si t'as bien l'allure de James Dean, tu rajoutes une couche de barane pour faire tenir ta banane. Je tire sur ta Marlboro avec l'air blasé d'un héros. Personnellement, je te trouve très bien, mais c'est le décor qui est pas au point. Boy, moitié rocker, moitié mauvais, moitié moqueur. Tu dérapes avec ta bécane, tu t'imagines à Manhattan. Prise unique et rue piétonne, ce serait plutôt monotone. American Graffiti, Easy Rider, c'est pas ici. De la grande surface, tu rêves comme un fou du Texas. Et ton blouson, tu l'as pas eu dans la 43e avenue. Et pour avoir l'accent de Boston, t'as pas mâché assez de chewing-gum. I know, c'est dur à encaisser, ici c'est pas les USA. Désert d'ennui et no man's land, la province ça te fout les glandes. Et quelquefois tu te sens ringard, t'as comme un charter de retard. Tu te dis non, non c'est pas ça, ici c'est pas les USA. Ça c'est pareil qu'à Hollywood, mais en avalant ton Big Mac, t'as comme l'impression qu'on t'arnaque. Tu veux que je goûte ton hamburger? Il veut que je goûte son hamburger, but I prefer the camembert. Les vitrines, si t'as bien l'allure de James Dean.